Pro Tools. Si tu me saoules trop, on en restera là. T'es la deuxième que je ken sur le même drap. J'écris sans thème car je ne t'aime pas. Après l'orgasme, je prends plus soin de toi. C'est qu'un au revoir, mais je veux pas qu'on se revoie. Tu te demandes ce qui ne va pas chez moi. Mais que lui ont-ils fait de si noir? Tes réponses se trouvent dans le Beretta. Sais-tu seulement à quel point tu ne sais pas? Dangereux je suis, bandit d'une FD. Bonne et bien loti, parle d'amour et je meurs. La vie c'est le patin, je suis la patinoire. Je ne vise que les cartons qui n'ont plus d'espoir. Au talon rouffin et au string léopard. Tout est noir comme Noémie le noir. Elle veut maison enfant mais je suis là que pour faire du sale. Mais je n'ose pas lui dire, je ne veux pas faire de peine. Et si je disais tout ce que je ressens sur l'instrumental? Avec de l'autotune ça passera peut-être mieux. Je ne veux plus de toi, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Elle veut mes enfants, mais je suis là que pour faire du sale. Mais je n'ose pas lui dire, je ne veux pas faire de peine. Et si je disais tout ce que je ressens sur l'instrumental, avec de l'autotune, ça passera peut-être mieux. Yeah. Quelques râteaux plus tard, j'décide de partir en friend zone. Plus tranquille, plus sensible, j'la joue fine et j'l'attaque sur de la dancehall. J'suis sur la piste, j'fais semblant d'être dans le mood. Si elle savait ce que j'prends pour pécho son boule, j'crois que j'pourrais même arrêter le pédo si j'vois que ça gêne trop. Elle veut qu'on danse, mais c'est pas sûr que j'assure. J'la prends son fun, j'me dis tant pis, j'assume. Obligé de ma faire quitte à perdre ma thune dans l'hôtel et la benzo. Après toi, c'est clair que j'en baiserai aucune. Ouais, ouais, j'ai menti, je lui ai promis la lune. Juste pour la ken, comme celle du premier couplet dans le dos, comme il faut. Sa puterie me paraît si tendre. Surpris, je sais pas comment m'y prendre. Blond platine, elle fait sa calicie. Dragon dans la queue, je l'encendre. Avocate du diable, me donne le barreau. Fais ton glou-gloutage de poireau. La bitch fait sa fonce en Hollande. Je lui dis de partir, mais elle en redemande. Gangster moderne, elle me qualifie. Quand il s'agit de sa tête, je suis plus habile que diable à décider quitter. Dans de me stère, je fais dans l'humanitaire, je me tape dans elle de l'humanité. J'aimerais tant lui dire que je la veux pas dans ma vie, mais uniquement dans mon pieu. Avec de l'autotune, ça passera peut-être mieux. Je ne veux plus de toi, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi, je ne veux plus de toi. Elle veut mes enfants, mais je suis là que pour faire. Avec de l'autotune, ça passera peut-être mieux. Avec de l'autotune, ça passera peut-être mieux.